Mutuma tuninga frère Francis Azungi. Jésus est bon, il est bon pour moi, il est bon pour toi. Jésus est tout ce qui est de bien, rocher de mon âme, il me soutient. Jésus est bon, je bénis son nom. Il est plus proche de moi, ce roi, que mon propre cœur ne l'est en moi. Jésus est bon, moi je lève son nom. Du matin, qui rafraîchit mon cœur, me fait du bien. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il est venu d'en haut pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire répandue et sa main nous étendue pour faire de nous un peuple pour son père. Il est venu d'en haut pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main nous étendue pour faire de nous un peuple pour son père. Jésus qui est bon, Jésus est bon, Jésus qui est bon, Jésus est bon, Jésus qui est bon. Se renouvelle tous les matins. Jésus est bon. Il est le Dieu de tous nos espoirs. Jésus est bon. Et nous marcherons devant l'Éternel. Jésus est bon. Il établit en moi son royaume. Jésus est bon. Il est le roi et Seigneur de mon pays. Jésus est bon. Et sa bonté se répand sur ma famille. Jésus je vis sa sainteté. Jésus, oh Jésus, est bon. S'il est bon pour toi, élève-le. Alléluia. Il est mon bien le plus précieux et sa beauté m'atteint du haut des cieux. Jésus est bon, moi je loue son nom. Il établit son règne en moi et il remplit ma vie de toute sa gloire. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il est au cœur de la tendresse et fait de moi l'héritier de ses promesses. Jésus est bon, moi je lève son nom. Il est venu d'en haut pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main nous est tendue pour faire de nous un peuple pour son père. Jésus est bon. Jésus qui est bon. Jésus est bon. Jésus qui est bon. Jésus est bon. Jésus qui est bon. Jésus, Jésus est bon. Jésus qui est bon. Et son amour n'a pas de fin. Oh. Sa bonté se renouvelle tous les matins. Jésus qui est bon. Il est le Dieu de tous nos espoirs. Jésus qui est bon. En lui nous marcherons devant l'Éternel. Jésus qui est bon. Il établit en moi son royaume. Oh Jésus, il est le roi et Seigneur de mon pays. Jésus qui est bon. Et sa bonté se répand sur ma famille. Jésus et je vis sa sainteté. Jésus, oh Jésus, mololo, mololo, mololo, mololo, et sois ta malade. Alléluia. Si tu as fini là, hop, hop, hop, hop. sa sainteté.